Les feux de Holyhead par Adrien Robert. Avant d'aborder notre action, donnons tout de suite à nos lecteurs l'explication de ce titre, Les feux de Holyhead. Les côtes d'Angleterre sont, comme on le sait, fort dangereuses dans la mer d'Irlande, et les phares établis sur tout ce littoral sont insuffisants sur quelques points. Cependant, comme l'amirauté anglaise ne néglige rien pour l'amélioration de ce service, elle a placé sur certains rochers en pleine mer, des feux fixes comme à Ellystone et des falots de couleur comme au ponton de Holyhead. Ce dernier établissement étant le terrain sur lequel doivent se mouvoir nos personnages, nous laisserons à d'autres le soin de signaler dans un travail spécial les autres systèmes de phares établis en Angleterre. Les navires qui partent de Liverpool pour se rendre à Kingstown, après avoir côtoyé l'île d'Anglesey, passent auprès de Holyhead. Lorsque la traversée s'effectue en plein jour et par un bon temps, c'est une véritable partie de plaisir pour l'équipage et les passagers. Mais quand on navigue de nuit, qu'il vente nord-nord-ouest et que la mer déferle avec force sur la côte, la question change de face. Comme Mercutio, le capitaine devient extrêmement sérieux. De deux choses l'une, ou il continue sa route, et alors passagers et colis courent le risque d'être mis en pièce sur les rochers de Holyhead. Ou bien il crie au pilote « Tribord la barre » et au mécanicien « Trois tours de roue, bâbord !» et colis et passagers s'en vont de compagnie relâchés à l'île de Man. Cette double expectative ne laissant pas que d'avoir de sérieux inconvénients, l'amirauté a paré à cela en établissant des pontons phares sur la côte d'Anglesey à Holyhead. Voici, en deux mots, le système de ces phares. Un navire dématé est amarré à une portée de canon de la plage. Deux lanternes de couleur sont accrochées à l'extrémité du léger mâtereau établi sur le pont. Un gardien à poste fixe est chargé de moucher et d'allumer la nuit, et par les temps de brouillard, les lampes des falots. Tous les 8 jours, un canot apporte à cet homme ses provisions de comestibles et de combustibles, et le transbordement opéré, il regagne le port. Or, le 15 juin de l'année 1851, à 1h15, par une forte brise sud-est, un personnage enveloppé dans un paletot de caoutchouc, la tête couverte d'un sorway de toile cirée, marchait à grands pas sur le ponton phare de Holyhead. 3 griffons écossais suivaient l'homme, la tête basse et l'oreille consternée. L'homme se nommait le baronnet James Turner. Les chiens avaient nom Yeoman, Snowball et Selkirk. Le baronnet était depuis un mois le gardien du phare aux appointements de 30 livres par an. De plus, James Turner avait 25 ans, des yeux bleus d'outre-mer, des cheveux blonds cendrés et des joues fraîches et veloutées comme les pêches de l'Orléanais. Aucun grain de folie ne faisait crier les rouages de sa cervelle, et s'il avait eu la fantaisie de dicter son testament, il eût pu se servir en toute conscience de la formule ordinaire « sain de corps et d'esprit ». Seulement James était de ceux qui arrivent sur le quai lorsque le paquebot s'éloigne de l'embarcadère, lorsque le convoi passe à toute vapeur devant la station. Était-il invité à dîner? Il sonnait juste au moment où la société se levait de table. Allait-il au bal? C'était pour voir les domestiques achever d'éteindre les bougies. Le baronnet avait pour voisin de château Sir George Pebbles, un gentilhomme accompli qui était venu s'établir à Anglesey avec sa jeune sœur, Miss Mary Pebbles, une Anglaise comme les dessinait Lawrence. Sir George était grand chasseur et pêcheur déterminé. Le baronnet aimait avec passion ces deux exercices. Il n'en fallait pas tant pour devenir grands amis. Un soir que le baronnet venait de quitter ses excellents voisins et qu'il regagnait son cottage, il se prit à songer qu'il était fort riche, que sa santé était remarquablement belle et qu'il était garçon. Cet ordre d'idées l'ayant amené tout naturellement à trouver que Miss Mary ne lui cédait en rien sur ces 3 points, il se demanda si la réunion de toutes ces qualités ne serait pas une heureuse chose. James Turner tira sa montre, et à la clarté des étoiles, il découvrit qu'il était 1h du matin, et qu'à 7h, son ami George ne serait peut-être pas très disposé à recevoir une demande en mariage pour sa sœur Mary. Nous devons cependant déclarer franchement que le baronnet hésita quelques secondes avant de continuer sa route. Il avait mis 2 ans à résoudre cette grave question et voulait rattraper le temps perdu. Le lendemain, comme il s'habillait pour aller faire sa demande officielle, le pilote de son yacht entra dans sa chambre. Il venait signaler un banc de sardines, une pêche miraculeuse. « Sir George est-il prévenu ?» dit le baronnet. « Oui, votre honneur. C'est bien. Il nous rejoindra en mer, pensa James Turner. Je serai moins embarrassé pour lui faire ma demande. Et il monta sur son sloop. Dans la journée, la sardine prit le large. James voulut lui couper la retraite. Sur le soir, la sardine remonta en droite ligne vers le golfe de Solway, ce qui était une imprudence. James remonta à sa suite, ce qui était un désastre. Bref, 3 fois 24 heures s'écoulèrent avant que le baronnet saluât le port de ses pierriers. La première figure de connaissance qu'il rencontra sur la jetée fut le valet de chambre de Sir George Peebles, qui lui annonça que son maître venait de quitter l'île pour se rendre dans le Cumberland, où il allait marier sa sœur au fils du célèbre major Hoxton, Sir Edward. James Turner eut une envie démesurée de saupoudrer son grog avec une forte dose de chlorhydrate de morphine pour endormir à jamais son amour et ses regrets dans le caveau de ses ancêtres. Mais l'exécution de ce projet ayant soulevé de graves difficultés de la part de l'apothicorerie ordinaire de son honneur, James se demanda si ce premier mouvement était parfaitement rationnel et si, après tout, il ne trouverait pas dans la misanthropie une consolation plus durable et plus digne. Retranché dans cette dernière résolution, James Turner s'en fit une sorte de cloche à plongeur, à l'aide de laquelle il descendit à des profondeurs surprenantes dans l'empire des effets et des causes, pour en rapporter des arguments de cette force. Si le major Hoxton, le père de mon rival, avait été tué dans l'Inde, il ne serait pas venu se marier dans le Cumberland. Sir Edward n'aurait pas vu le jour. Pourquoi les Indiens n'ont-ils pas tué le major Hoxton? Pourquoi Sir Edward ne s'est-il pas cassé la tête en sautant une barrière? Une fois lancé sur cette pente, le baronnet ne devait plus s'arrêter. L'humanité tout entière devenant responsable de son chagrin, il résolut de vivre en dehors de l'humanité et pour cela, il fit une dernière concession à la société en sollicitant de l'amirauté la place de gardien du phare de Holyhead. James avait la main heureuse dans le choix de sa retraite. Robinson n'était pas plus isolé et plus abandonné sur son île que ne l'était le baronnet dans son phare. Le jour, James Turner pêchait à la ligne de fond où tiraient au vol les mouettes blanches qui venaient tournoyer autour du navire. La nuit venue, il allumait les falots confiés à sa garde et descendait dans l'entrepont. La pipe, le grog et la lecture étaient alors ses distractions habituelles. Quand la mer était mauvaise, et que le ponton se tourmentait sur ses ancres, le baronnet fermait son livre et enflammait un immense punch aux genièvres. Appuyé contre la cloison de sa cabine, il écoutait avec bonheur la plainte du vent, les craquements du bois vermoulu et les grondements des chaînes d'ancre dans la cale. Son imagination, surexcitée par la solitude, par la concentration d'esprit et par le liquide enflammé, s'exaltait en ce moment au plus haut degré. Alors il ne se nommait plus James Turner. Il devenait le sombre génie du vaisseau fantôme, et à sa voix, les esprits invisibles et mystérieux qui peuplaient ses solitudes commençaient leur œuvre infernale. Les portes grinçaient et s'ouvraient lentement, des voix plaintives s'appelaient par les écoutilles pour la manœuvre, les boulets s'échappaient de leurs cases et roulaient comme le tonnerre sur le pont, et les coups de balancier de pont résonnaient incessamment dans la cale. Haletant et brisé, James se laissait tomber sur son hamac et s'endormait d'un sommeil fiévreux. Or, donc, la veille du 15 juin, le baronnet s'était grisé comme Falstaff, sous prétexte de jouer une scène de Méphistophélès, et c'est pourquoi il prenait l'air afin de dissiper les nuages qui épaississaient encore son intellect. Deux incidents vinrent interrompre sa méditation. Un canot qui fuyait à l'horizon et un rat qui venait d'apparaître à l'ouverture du grand panneau. Snowball, Yeoman et Selkirk s'élancèrent comme une avalanche par l'échelle de l'entrepont, donnant une chasse féroce au malheureux rat. James suivit sa meute à fond de cale et décrocha une lanterne pour éclairer cette scène de meurtre. Le rat étranglé, James le prit délicatement avec une pincette et remonta tranquillement sur le pont pour le jeter à la mer. Un cri de surprise s'échappa de sa poitrine. Sir George Peebles, Miss Mary Peebles et un gentleman inconnu étaient appuyés contre le bastingage à tribord. James ouvrit des yeux ronds et fixes comme ceux d'un oiseau de nuit. « Eh, l'ami !» cria George, sans se déranger. « Vous allez nous aider à hisser nos provisions à bord. Notre canot est amarré à l'arrière. » Sir James resta immobile et silencieux. « Répondez donc à mon frère, monsieur !» reprit vivement la jolie enfant en s'approchant avec confiance du baronnet. En se rejetant aussitôt en arrière à la vue de la dépouille terrestre du rongeur que James tenait toujours au bout de ses pincettes. Le jeune lord rougit comme un coquelicot en fleurs, et pivotant sur ses talons, il jeta ses pincettes et son rat par-dessus bord. Il était impossible d'imaginer une situation plus ridicule pour un amoureux. Cependant, un espoir, bien faible il est vrai, dilata pour une seconde sa poitrine oppressée. Ses amis ne l'auraient peut-être pas reconnu. Enfonçant alors ce sorway sur ses yeux et renforçant sa voix, « On ne doit pas monter à bord, » dit-il. « Les ordonnances de l'amirauté s'y opposent. Descendez dans votre canot et partez. »« C'est parfaitement juste, mais complètement impossible, » reprit Sir George en s'avançant à son tour. « Et pourquoi ?» continua James de sa voix de croque-mitaine. « Parce que la mer devient mauvaise, que nous avons vent debout pour entrer à Holyhead, et qu'enfin nous avons cassé notre barre de gouvernail. » James oublia subitement son personnage et releva la tête pour vérifier l'exactitude de ses allégations. « Sir James Turner !» s'écrièrent en chœur les trois visiteurs, et Sir George serra avec effusion la main de son ex-voisin. « Mais que faites-vous ici, mon ami ? » s'écria-t-il en tournant autour du baronnet, « et sous ce costume de Groenlandais ?»« Moi ?» balbutia James. « Je passais, c'est-à-dire, non, je venais, je suis venu pour la pêche. Vous savez, j'adore la pêche. Le poisson donne extrêmement par ici. »« Ah, voilà, » dit en souriant Miss Mary. « Ne me parliez-vous pas de provisions à transborder ?» continua le baronnet pour se donner une contenance et en finir avec les questions. « Oui, certes, car nous n'avons pas encore déjeuné. »« Ah, étourdi que je suis, j'oubliais de vous présenter mon ami Edward Hodgson, qui a bien voulu nous accompagner dans cette excursion. » James pâlit affreusement et échangea avec le gentleman un salut glacial. « Venez, George, » fit-il en se dirigeant vers l'escalier attaché à l'extérieur du ponton. « Je vous aiderai à réparer l'avarie survenue à votre bateau. »« Nous vous en serons fort obligés, » reprit George, en se penchant par-dessus le bastingage pour regarder son canot. « Grand Dieu !» s'écria-t-il en levant les mains au ciel. « Qu'y a-t-il ? » exclamèrent à la fois les trois autres personnages. « Il y a qu'il n'y a plus de canot !»« Plus de canot !» hurla le baronnet en se penchant à son tour sur le bastingage. « Plus de canot !» répéta Miss Mary en tombant à moitié évanouie dans les bras de son frère. « La mare aura cassé, et la marée aura tout emporté en pleine mer, » dit Sir George avec découragement. « Tenez, tenez, le voyez-vous là-bas, à tribord ?» s'écria James en tirant une lorgnette de sa poche. « C'est parbleu, lui. »« Oui, c'est bien lui, » affirma à son tour Sir Edward. « Mon Dieu, qu'allons-nous devenir maintenant ?» soupira la jeune Miss en jetant un regard d'épouvante autour d'elle. « Demande-le à notre ami Turner, ma pauvre Mary. Lui seul, à présent, est maître de nos destinées. Parlez, James, parlez. » Le baronnet se recueillit un instant. « Permettez-moi une question, George. Dites. Avez-vous toujours bon appétit ? Oui, certes. Et M. Edward est-il aussi beau mangeur que vous ? Plus beau, beaucoup plus beau, » dit molestement M. Peebles. « Alors ? » continua gravement James en comptant sur ses doigts. « Dans 3 jours, nous serons ici sur le radeau de la Méduse. »« James, je vous somme de vous expliquer, » dit impérieusement Sir George. « Oh, bien volontiers. J'habite seul ce ponton et je mange fort peu, comme vous le savez. »« Après, après. Un canot de Holyhead m'apporte mes petites provisions tous les 8 jours. Le plus souvent, je n'en prends que la moitié pour montrer à l'amirauté que je suis un homme économe et sobre. Nous sommes aujourd'hui le 15 du mois. » J'ai reçu hier mes vivres, je vous les offre de grand cœur, mais je dois vous prévenir que d'ici au 21 courant, je ne puis en espérer d'autres. Or, en procédant avec une réserve extrême et une excessive frugalité, il se peut que nous ayons encore un souffle d'existence lorsque le canot reviendra. Je vous prie de croire, Miss, que vous n'êtes pas comprise dans ce pacte de famine, car je tiens à vous faire dignement les honneurs de chez moi. Vous ne manquerez de rien ici. Et si nous tombons avant le terme fatal, vous nous survivrez pour apprendre aux populations terrifiées l'histoire de 3 gentlemen morts de faim au ponton de Holyhead. « Mais c'est une horreur !» s'écria George en frappant du pied avec rage. « Ne me disiez-vous pas que vous déjeuneriez avec plaisir ?» continua le baronnet en offrant le bras à Miss Mary. « Permettez-moi de vous conduire à ma salle à manger. » Après avoir fait visiter à ses hôtes les cabines qu'il destinait à chacun d'eux, James servit lui-même le déjeuner. Sir George et Edward comptèrent leur bouchées, leur verre de porto. Le baronnet dévora une moitié de pâté, un poulet froid, et but trois bouteilles de bord de Lafitte, se plaignant de n'être pas en appétit. Après le déjeuner, toute la société remonta sur le pont pour digérer et prendre l'air. Mais au troisième tour de promenade, son honneur Edward Hoxton se prit à verdir subitement et à tituber comme un homme ivre, et son pauvre cœur ballotta dans sa poitrine comme une sonnette, symptôme évident d'un mal de mer très prononcé. Un sourire de triomphe passa sur les lèvres du baronnet, qui engagea son ami George à aller coucher son futur beau-frère dans son hamac. James et Mary restèrent seuls sur le pont. « Miss, » dit avec émotion le baronnet en arrêtant sur la jeune fille un regard doux et aimant, « je n'ai pas dit la vérité à votre frère. Comment cela, Sir James ?»« Je n'ai qu'à donner un signal qui sera compris de terre et un canot vient d'en prendre mes ordres. Mais alors ?» Quel motif avez-vous de nous retenir ici ? Je vais vous le dire, miss. Seulement, je vous supplie en grâce d'être aussi confiante avec moi que je serai franc avec vous. Je vous le promets, Sir James. Eh bien, miss, je vous aime. Et si je suis venu m'enterrer vivant ici, c'est que la pensée de vous savoir un autre m'avait rendu fou de désespoir. Vous m'aimez, Sir James ? Dit Mary en rougissant. Depuis quand ? Depuis 2 ans, miss. Que ne demandiez-vous ma main à mon frère alors ? Hélas, je m'y suis pris trop tard. Un soupir expira sur les lèvres de la jolie enfant. Vous m'avez promis de me répondre franchement, continua James avec effort. Aimez-vous Sir Edward Hoxton ? Pas trop, murmura faiblement Mary en baissant les yeux. Qui vous force donc à l'épouser alors ? Personne, Sir James. Seulement mon frère désire cette union et je lui obéis. Et si je le décidais à la rompre, si je lui demandais votre main ? Je lui obéirais encore de meilleur cœur, peut-être. Oh, miss, vous serez ma femme, s'écria James en appuyant ses lèvres sur la main de Mary. Vous serez ma femme, je vous le jure. Le soir même, le baronnet fit à son ami George sa demande en mariage. J'en suis désolé, mon cher, lui répondit son ex-voisin, mais Sir Edward a des chasses superbes dans le Cumberland et tout est convenu maintenant. « Cela suffit, » répliqua James d'un air sombre. 2 jours se passèrent sans qu'aucun incident remarquable eût lieu à bord. Sir Edward n'avait pas mis le pied hors de sa cabine et gardait la diète la plus complète. Cependant, les vivres baissaient singulièrement car le baronnet ne mangeait plus, il dévorait. Le 5e jour, 1 heure était sonnée depuis longtemps et le baronnet n'avait pas encore paru sur le pont. « Sir James, Sir James, réveillez-vous !» criait George par l'écoutille. « Il est l'heure de déjeuner. Ma sœur et moi, nous mourons de faim. Levez-vous vite. » « Qui parle de déjeuner ?» dit froidement James en apparaissant à l'ouverture du panneau. « Moi, mon bon ami, » s'écria George avec désespoir. « Moi, qui tombe d'inanition. » « J'en suis désolé, mon pauvre George, mais il faut renoncer à cet espoir. Il nous restait encore pour 1 jour de vivre. Mes chiens se sont introduits dans la cambuse, dont j'avais oublié de fermer la porte. Tout est dévoré. » « Miséricorde, mais c'est la famine, l'horrible famine !»« Comme dans la tour du Golin, » ajouta gravement le baronnet. « Ah, misère et désolation !»« Voyons du calme, mon cher ami, prenons bravement notre parti. »« Non, non, c'est impossible, il doit y avoir un moyen. »« De quoi faire ?»« De vivre, parbleu. « James, il y en a un, tu le connais. »« Eh bien oui, il y en a un, mais je ne veux pas m'en servir. » « Pourquoi, malheureux ? Parce que j'aime mieux mourir de faim que de voir sacrifier Miss Mary. Retirez votre promesse à Sir Edward, je donne un signal, et l'abondance renaît ici. »« C'est de l'égoïsme. Je ne céderai pas. Moi non plus. »« Je mourrai, puisqu'il le faut. »« Il le faut, » répéta lugubrement James. « Mon frère, mon bon frère, moi aussi j'ai faim. Ayez pitié de votre pauvre sœur. » Et tu consentirais à épouser ce tigre sans pitié ? Oui, car je l'aime, murmura doucement Mary. Alors c'est bien différent. Votre main, James, vous êtes mon frère. C'est sérieux, n'est-ce pas ? Je vous en donne ma parole de gentilhomme. À une condition, c'est qu'on déjeunera aujourd'hui. James s'élança à l'avant du navire et enleva lestement le prélat de toile cirée qui recouvrait une petite caronade de fer. Bouchez-vous les oreilles, miss, dit-il en saisissant le cordon de la batterie. « Feu !» commanda George. L'explosion fit trembler le ponton sur ses ancres. « Hein? Qu'est-ce que c'est ?» s'écria Edward Roxon, dont la tête apparut subitement à l'ouverture de l'écoutille. « Rien, sœur Edward, je sonne mon déjeuner de noces. » Ainsi s'achèvent les feux de Holyhead par Adrien Robert.